1. J'ai bien étudié le projet du nouveau modèle de téléphone portable et je pense que ce n'est pas un bon produit. 2. Il est tout à fait adapté aux jeunes. 3. Il a de nombreuses fonctions très modernes. 4. Nous faisons une erreur commerciale. 5. Les clients vont l'adorer. 6. Il a moins de fonctions que d'autres téléphones sur le marché. 7. Il est grand et pas très joli. 8. Il ne plaira pas aux femmes.